Arthur Rimbaud, scène. L'ancienne comédie poursuit ses accords et divise ses idylles des boulevards de tréteaux. La longue pierre en bois, d'un bout à l'autre d'un champ rocailleux où la foule barbare évolue sous les arbres dépouillés, dans des corridors de gaz noir, suivant le pas des promeneurs aux lanternes et aux des oiseaux, des mystères s'abattent sur un ponton de maçonnerie mu par l'archipel couvert des embarcations des spectateurs. Des scènes lyriques accompagnées de flûtes et de tambours s'inclinent dans des réduits ménagés sous les plafonds autour des salons de clubs modernité ou des salles de l'Orient ancien. Manœuvre au sommet d'un amphithéâtre couronné par les tailles.